Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse 4 expériences de retour à la nature, une série de Marie Chartron réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a ce confinement qui dure et bac ou pas l'idée de réécoute bonne pour toutes les oreilles. Et ce rêve de changer sa vie qu'on repousse, niché dans sa ville surpeuplée, polluée mais familière. Pourtant, reste le désir de verre et le souvenir de ceux partis tenter l'aventure communautaire. Alors pour commencer, les personnages. Des Suisses, des Allemands, un berger, une doyenne scandinave, un ancien enfant libre de retour, une ex-infirmière, de vieux rebelles et un piètre cuisinier. Ensuite, le décor. Des restes de lentilles, des tours de vaisselle, une radio associative, une coopérative agricole, un troupeau de chèvres, des bonnets de laine, un potager et des arbres à abattre. Aujourd'hui, 4e épisode, qui fait quoi ? Quelqu'un pour faire à manger demain matin ou jeudi après-midi ? Longomaille, l'utopie dure longtemps. Lundi matin, jeudi après-midi, dimanche après-midi. Marie Chartron, François Tess. Justement, je vous invite à regarder le programme des cinémas d'Afrique, là, le festival, parce qu'il y a vraiment des films qui sont hyper, hyper intéressants. Ça ouvre le monde et c'est des séances à 3€ pour les gens de Zazie. Alors, ça vaut la peine d'y aller. Voilà. Tu veux bien faire la cantine demain matin s'il y a quelqu'un à baisser. Il y a pas mal de restes. Hein. Ah. Oui, il faut faire la vaisselle. Quelqu'un veut faire la vaisselle demain matin ? Nick, c'est vous qui nous avez accueillis hier. Vous êtes arrivé en 1978, c'est-à-dire un nombre déjà assez respectable d'années. Vous faites partie des premiers, si ce n'est des fondateurs, au moins des premiers. Comment vous présenteriez Longomaille ? Comment on peut présenter Longomaille pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ? Je pense qu'il faut commencer par dire que c'est quelque chose qui est profondément international. C'est-à-dire que le groupe d'origine qui a décidé de créer Longomaille en 1973 avait déjà plusieurs nationalités. Donc il y avait surtout des Autrichiens, des Suisses, un peu d'Allemands, il y avait deux Français, il y avait une Norvégienne. À l'époque, ils parlaient un peu dans ces termes-là, c'était un bastion de résistance. C'était un lieu à partir duquel ils allaient continuer à mener un peu les luttes qu'ils ont menées jusque-là. Pour moi, c'était un projet de vie. Ce n'était pas un essai qu'on fait, et après, si ça ne marche pas, on abandonne, on cherche autre chose. On était quand même assez têtus et convaincus qu'on veut que ça marche, qu'on voulait vraiment... C'était aussi le nom Longomaille, ça veut dire que ça dure longtemps. C'était pour nous un engagement de la vie, de faire autre chose. Ça veut dire aussi de faire des choses qui sont un peu plus difficiles. Parce que ce pas là derrière le troupeau de moutons, c'est beaucoup plus dur d'accompagner un troupeau et d'assumer les défaites quand ça ne marche pas, de réfléchir comment on fait mieux. C'est avec tout, c'était... Avec tous les aspects, on était vraiment convaincus de vouloir tenir à long terme. Dans le siège de 1968, la coopérative agricole autogérée Longomaille a vu le jour en 1973 dans les Alpes de Haute-Provence, d'abord à Limans, près de Fort-Calquier, pour essaimer ensuite dans différentes fermes. 5 en France, mais aussi en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Ukraine. Plusieurs lieux, 4 décennies et plus de 200 personnes. Il est difficile de résumer une journée à Longomaille. Une tentative d'ordre alphabétique peut-être. Accueil de réfugiés, apiculture, autogestion, brebis, bûcheronnage, campagne de soutien, conserverie, confection, filature, maraîchage, menuiserie, production et échange de semences, Publication Viticulture. Le son de Longomaï se décline dans plusieurs langues et résonne depuis 1981 sur les ondes de Radio Zinzine, tout en haut de la colline. Adultes, enfants, nouveau-nés et bébés à naître, 100 personnes environ vivent et travaillent dans la coopérative de Liman, et parmi eux, quelques fondateurs. Je m'appelle Hannes, je suis né en Allemagne et j'ai grandi en Suisse. J'ai quitté l'école à 16 ans, un peu dans la mouvance de 68. Je ne voulais pas devenir un petit pignon dans une machinerie de production, de consommation vide de sens. Et là, j'ai rencontré des jeunes qui luttaient contre les injustices à la place du travail, dans le travail quotidien surtout, des apprentis. Plus tard, j'ai rencontré Hydra à Bâle. C'était aussi un groupe d'apprentis très militants. Et les jeunes de Spartacus à Vienne, qui était aussi un groupe très, très militant. Et le principe, c'était on ne voulait pas de division entre l'engagement politique, la vie privée et la vie du travail. On habitait ensemble, on avait une caisse commune, on planifiait nos campagnes ensemble. Très vite, ce mouvement il s'est étendu dans toute l'Europe. Il y avait des groupes un peu partout, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. C'était très germanophone alors. C'était très germanophone, mais nous étions quand même aussi ouverts vers les mouvements en France. Par exemple, les paysans travailleurs en Bretagne, avec leur grève du lait, on est allé les rencontrer. On a vu comment on pourrait être solidaires avec eux. Bon, en fait, notre approche, c'était pas une approche intellectuelle. Elle partait d'une colère, d'une résistance et d'une révolte qui venait du ventre. Ça veut dire qu'on savait ce qu'on voulait pas. On refusait ce type de société. On cherchait autre chose, mais ce n'était pas très intellectualisé. Moi, je suis, comme vous dites, je suis la doyenne. Moi, j'ai 71 ans, bientôt 72 d'ailleurs. Et je m'appelle Sissel, je viens de la Norvège à l'origine. Je suis la seule Scandinave ici. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire. Et vous vivez ici? Je vis là depuis le début de Longomaï. En fait, l'idée de ces groupes, au début, c'était, grosso modo, on peut dire l'autogestion. Que, bon, il faut quand même dire que c'était au moment de la guerre froide, où il y avait plein d'idéologies différentes, plus ou moins communistes tous, qui passaient leur temps à se battre entre eux, qui est-ce qui avait la ligne la plus pure. Beaucoup cette attitude qu'il faut faire la révolution, et après tout va bien, le lendemain qui chante, comme on dit. En fait, avec ce qu'on a fait, nous, comme groupe indépendant, c'était plutôt à dire, bon, ça va pas se faire comme ça, et que ce qu'il faut apprendre, c'est que les gens, ils prennent les choses en main eux-mêmes, qu'ils s'organisent entre eux, qu'ils ont une façon indépendante de vivre aussi. On était à plein terrorisme aussi, c'était vraiment une ambiance très spéciale, très dure, pour les jeunes un peu partout. En plein terrorisme, vous voulez dire essentiellement la fraction armée rouge en Allemagne et... Les brigades rouges en Italie, une ambiance terrible. Et en même temps, c'était... ce terrorisme était un phénomène relativement attractif, parce qu'il y avait de la colère derrière. Attractif pour beaucoup de jeunes. Et c'était aussi une raison pourquoi on a commencé ici, parce qu'on ne voulait pas tomber dans ce travers-là. Ce qui était facile, parce qu'en Allemagne à l'époque, c'était le terrorisme, mais après il y avait les sympathisants, et après les sympathisants des sympathisants, et tout s'était criminalisé. Donc nous, on voulait faire complètement différemment. Et là est arrivée tout doucement l'idée, pourquoi on ne pourrait pas s'installer dans une ou plusieurs de ces régions où on rencontrait beaucoup de solidarité et encore une volonté de lutte, de résistance, de rester. On pensait qu'on a peut-être plus de succès là où le système il a déjà fait faillite, où il n'arrive pas à tenir toutes ses promesses, que dans les mégalopoles qui sont bourrées d'argent, de flics, de succès, de vie économique qui marche, mais plutôt dans des régions où il n'y a rien qui marche. Et ça, c'était le pas de Longomai. Et nous sommes arrivés ici à 30-40 personnes. Alors il fallait tout réfléchir, refaire. C'était un moment très euphorique. Tu as un terrain complètement vierge. Et il faut réfléchir où est-ce que, comment on creuse les sources. Heureusement, on avait un ami, c'était Pierre Pellegrin, qui était un paysan qui participait à la résistance et dans le projet du Contadour de Jean Genot. Et lui et sa femme nous ont plus ou moins adoptés, nous ont fait des stages de formation, comment on fait l'agriculture, comment on fait le jardin, comment on fait l'élevage de la basse-cour, le troupeau de moutons, la politique des céréales, comment on fait ça. Et lui nous a appris énormément de choses. Nous sommes à Longomai, au petit matin, sous le ciel d'automne, très bleu. On est sur la commune de Limans, dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Fort-Calquier. Et Longomai, pour qu'on comprenne cette géographie ici, c'est donc à flanc de colline, c'est assez étendu et il y a plusieurs îles. C'est un peu moins de 300 hectares. C'est un flanc de colline, mais c'est aussi la crête, enfin le sommet de cette colline, et aussi de l'autre côté, le côté Liman. Il y a une quarantaine d'hectares à peu près de terres labourables, des céréales, on fait aussi le foin pour les bêtes, etc. Il y a une partie en pente où on fait très peu là-dessus. On a planté des arbres pour diversifier la forêt qui est là, parce qu'ici c'est plutôt des petits chênais, des chênes blancs, comme on dit. Et puis de l'autre côté, on passe beaucoup avec le troupeau de moutons. On a un troupeau important ici, c'est quand même très adapté pour cette région. Et puis on a aussi un petit troupeau de chèvres. Les chèvres, c'est uniquement pour notre consommation interne, pour faire le fromage et aussi pour la viande, en fait. Voilà. Et sur ce flanc de colline qui monte à 840 mètres, à peu près. Là, à Hippolyte, on est à peu près à 650-700. Et puis, il y a Grange-Neuf et le Pigeonnier. Donc ça, en fait, ça fait trois corps de ferme. On est un peu en face du village de Limans. Donc ici, on peut faire des fêtes, on peut faire du bruit, on peut vivre comme on veut. Et on est relativement tranquille, quoi. C'était vraiment bien vu, quoi. Et puis, il y a une sorte d'attachement qui vient avec le travail. Enfin, moi, j'ai extrêmement attaché à ici parce que je travaille la pierre. Et moi, j'ai fait beaucoup de murs en pierre sèche, par exemple. Pas seulement les reconstructions des maisons, mais j'adore faire les murs en pierre sèche. Et parce que je considère quelque part que quand on regarde en face, par exemple, de l'autre côté, en haut, on voit beaucoup d'anciens murs en pierre sèche qui ont été construits par qui ? On ne sait pas. Voilà, on a ajouté, on a planté beaucoup, beaucoup d'arbres, des milliers d'arbres sur ces collines-là, pour un peu diversifier les lieux. Il y a énormément plus d'oiseaux maintenant, par exemple, qu'avant. Donc ça, c'est un peu notre apport ou notre participation à la création de ce paysage, quelque part. On commence avec des équipes. Vous attendez tous, c'est ça? On commence lundi avec l'abattage de poules. Les poules, demain matin, on va abattre les vieilles poules qui ne pondent plus. On était à peu près 8. On est plus que 7 ou 6, je ne sais pas. Le rendez-vous, c'est à 9h au pilonnier. Voilà, s'il y a 2 personnes en plus dans l'équipe prévue, ça serait bien. C'est marqué juste équipe de fagot, mais sans date. On aimerait bien lancer que ce soit presque une fête. On va lancer une fête dans le champ qu'on a trouvé. Bon, on s'est un peu démené cette semaine pour essayer de trouver des solutions pour la boulangerie et pour le bois. Tous les dimanches, une réunion se tient dans la salle de Grange-Neuve. Ceux qui arrivent et ceux qui partent se signalent, les équipes se forment pour la semaine et les annonces fusent. Ni règles écrites, ni hiérarchie. Longomaille s'inscrit obstinément dans une tradition libertaire. A priori, on n'en a pas besoin. Et on a essayé aujourd'hui de faire ça avec du dos et aussi avec du bois de chauffage. Ça a bien marché. Avant de commencer ici sur la colline, en 72, nous avons fait le tour des bibliothèques, nous avons cherché les utopistes. On a lu Fourier, Saint-Simon, Owen, aussi les communautés anarchistes, comment ils étaient organisés. On a étudié des expériences comme Mondragon ou d'autres qui existaient déjà en France et ailleurs, et ça nous a donné quelques inspirations. Et qu'est-ce que vous avez décidé, par exemple, de suivre, et qu'est-ce que vous avez décidé d'éviter à tout prix ? Ce que nous avons essayé d'éviter, c'est le formalisme, de ces trucs intellectuels. Bon, j'ai donné un exemple dans les groupes de Saint-Simon, par exemple. Les gens, ils avaient des vestes avec des boutons sur le dos, ce qui obligeait les gens à au moins se mettre à deux pour déboutonner et pour reboutonner la veste, pour obliger les gens à travailler ensemble. Et il y avait aussi beaucoup de formalisme dans ces projets utopistes, parce que c'était souvent un maître pensant qui réfléchissait comment il faut faire pour les gens, et après il appliquait ses règles, etc. Et ça, on avait beaucoup d'allergie contre tout ce qui est formaliste. De l'extérieur, dans les années 70, on a pu vous traiter peut-être d'un mouvement hippie. Alors ça devait vous déplaire, ça, non ? Quelques-uns, ils nous ont réduit à cet aspect. Mais d'autres, ils ont dit qu'on est plutôt une secte, on se ferme de tout. Mais c'est un peu notre société actuelle, elle a toujours des problèmes avec les groupes. C'est comme un démon. C'est quelque chose qui est mystérieux. On ne comprend pas très bien ce qui se passe, etc. Et après, on se fait plein de fantaisies, ce qu'on pourrait faire là-dedans. C'était plutôt ça. Quand on a demandé l'asile, sans papier, on m'a dit c'est pas facile. Passeur d'infos. Tu vas attendre 2 ans, sans papier, et tu reçois refusé, sans papier. Passeur d'infos est une plateforme d'information et d'actualité sur la question des migrants réfugiés et des personnes et organisations qui les accueillent et les soutiennent. De l'Europe entière, des correspondants nous donnent les détails de leurs actions. Une occupation sans papier, c'est la souveraine les yeux. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Noël. Bonjour Marie. Bonjour Valérie. On a grimpé apparemment tout au sommet de la colline. Ouais. C'est la nuit, donc on n'a pas aperçu grand-chose. Mais au point le plus haut de Longomaille à Liman, c'est sur la colline Zinzine. Ça peut paraître un mot qui vient de nous, mais en fait c'est toponymique, c'est le jas de la Zinzine qui est dans le coin. Et on n'a jamais trop su d'où ça venait, mais il peut y avoir plusieurs possibilités. Zinzine abulée, c'est le chant de la mésange. Zinzine, ça peut être un terme qui vient des Sarrasins. Enfin, en gros, de toute façon, c'est un mot qui fait penser au féminin de Zinzin. Et avec un nom pareil, on ne peut pas se prendre au sérieux. On l'aime bien, ce nom. Et Zinzine, c'est aussi la radio. Voilà, c'est le nom qu'on a pris pour appeler notre radio, qui a démarré en juin 81. Donc à l'époque, la grande époque des radios libres qui émergeaient un peu partout en France. On sentait qu'on avait des choses à dire en tant que groupe, avec son originalité, son regard sur le monde et son histoire. Et aussi parce qu'on n'avait pas toujours bonne réputation. Longomaille, il y avait un peu des termes désobligeants qui nous collaient à la peau parfois. De quel type ? De type secte. Et comme ça, on se disait au moins, on va faire cet essai comme une bouteille à la mer et on va causer et les gens pourront nous écouter directement, nous aimer ou pas, mais au moins pouvoir se faire une idée plus concrètement par rapport à la rumeur. Et ça a commencé comme ça, quelques heures par jour, tout à fait par hasard, dans la cabane en pierre qui est à côté, et on y a pris goût. L'appétit est venu en mangeant, quoi. On y a pris goût, on a creusé des sujets. On a vraiment aimé cette, à la fois liberté d'expression et prétexte à creuser des choses et fenêtres intérieures, extérieures sur Longomaille, qui en même temps n'était pas exclusivement Longomaille, parce que la radio était tout de suite une collaboration avec des gens du pays. L'heure tourne et le couperet va tomber. Ah oui, c'est ça, on va commencer les infos là. Tu mets du retour, s'il te plaît. Vous écoutez Radio Zinzine, nous sommes le lundi 13 novembre 2017, il est un peu plus de 19h et ce sont les infos directes de la colline avec Alex et Nick. Bonjour. Salut, bonsoir. La beauté sauvera le monde, dit le père Christophe de Fort-Calquier, citant Macron qui lui-même cite Dostoïevski. C'était en différentes circonstances, hein, puisque Macron, c'est à l'occasion de sa venue à Abu Dhabi. Je ne sais pas s'il est venu pour la beauté des lieux, je ne suis pas tout à fait sûr. Tandis que le père Christophe, c'est pour, j'allais dire, l'inauguration, non pas encore, mais plutôt le bénissement. C'est comme ça qu'on dit. En tout cas, il a béni les cloches du carillon de Fort-Calquier, qui, comme vous savez, est extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va faire de la poule au pot cet hiver, mais avant de la poule au pot, il faut malheureusement il faut les abattre, c'est comme ça. Ça pose quand même ces questions-là de quel est le rapport de l'homme avec la nature, avec l'animal, et ce rapport de domination, quoi, quelque part, que l'être humain exerce. On n'est plus au temps où on avait un arc et des couteaux, et que quelque part dans la mise à mort, il y avait un équilibre, parce que l'humain, il n'était pas non plus hyper puissant. Après, voilà. Et là, donc, vous allez le faire en équipe et avec une forme de quoi ? D'esprit collectif, alors. Ah ben, c'est sûr, c'est on vit ensemble, c'est nous qui allons les manger ensemble. Il y a quand même aussi un côté festif, social, qui est sympa aussi entre nous. Hein, Moi, depuis que je suis gosse, je fais ça, en fait, du coup, j'ai... Ouais. Bon, on va s'y mettre, parce que... C'est la première fois que je vois de la neige sans nuages. Mais oui, mais parce que c'est le Mistral qui amène la neige des montagnes. Le coq qui veut pas mourir. Vous pouvez rentrer, sur. Est-ce que l'eau est à la bonne température ? Elle est à 100 degrés, c'est bon. Ouais. Ici, il y a aussi des végétariens, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça ici. Il y a des gens qui... Voilà, on n'est pas tous pareils face à ça. C'est ça qu'est à Longomaï, voilà, on est plein de gens avec différentes approches, différents points de vue sur les choses. Et... Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait ça enfant tout le temps, mais aujourd'hui je me pose plein de questions. Et ces questions-là, elles traversent un peu tout le monde, et il n'y a pas tout le monde qui a la même manière de réagir face à ça, quoi. Et il y a des gens qui ne peuvent pas tuer. Il y a des gens qui ne peuvent pas tuer, mais qui mangent. Il y en a qui ne mangent pas et qui ne peuvent pas tuer. Il y en a qui... Il y a de tout. On voulait surtout que la propriété soit complètement collective et inaliénable. Donc, avant, c'était quand même des personnes physiques à l'intérieur de Longomaï, où il y a, a priori, une confiance. Mais n'empêche, c'était quand même des individus. Et il faut savoir ce qui se passait, qui pourrait se passer dans l'avenir, ou si peut-être quand ils décèdent, ou on ne sait pas. Donc, en tout cas, on voulait trouver une autre solution. Donc, nous avons finalement créé une fondation en Suisse, qui s'appelle la Fondation Fonds de Terre, qui est propriétaire de tous ces biens, les terres, les bâtiments, etc. Le collectif a besoin de revenus pour fonctionner. D'où viennent-ils ces revenus ? Nous, on a voulu, disons, trouver une possibilité de ne pas être uniquement dépendant du travail qu'on, des produits qu'on peut trouver sur un terrain qui est assez pauvre quand même. Donc, en fait, on a choisi de tourner vers des individus vers un réseau de soutien, on pourrait appeler comme ça, notamment en Suisse, c'est pas courant en Suisse, mais c'est beaucoup en Suisse, parce que beaucoup des fondateurs de Longomai venaient de la Suisse, ils avaient un réseau déjà d'amis. Et donc là, c'est un travail assez considérable, parce que ça n'arrive pas comme ça, qu'il y a quelques milliers de personnes qui soutiennent régulièrement Longomai, ses investissements, ses projets, ses campagnes politiques, ses campagnes de solidarité, ce qu'on fait aussi avec les migrants et les réfugiés. Donc à peu près, si on parle de ce lieu ici, cette ferme où on est une centaine de personnes, à peu près la moitié vient de ce réseau de soutien. L'autre moitié vient des ventes de produits. On a aussi quand même des subventions agricoles. Tout ça, ça va être nécessaire. Qu'est-ce que c'est, cette opération finale? Un bonnet qu'on les taille dans les chutes, dans tout ce qu'on a de laine qui nous reste, qu'on a en trop. On a plusieurs modèles. Et ça fait les bonnets qui sont derrière vous. Je m'appelle Julie, je suis arrivée ici il y a 2 ans. Le 31 décembre, ça fera 2 ans. Avant ça, je vivais à Fort-Calquier pendant 4 ans. Et alors à Fort-Calquier, je m'occupais du centre aéré où je travaillais avec beaucoup d'enfants qui avaient entre 4 et 12 ans. Et j'ai entendu parler d'une radio associative qui avait tout en haut d'une colline que je n'avais pas du tout associée à Longomai. J'avais écrit une lettre à Radio Zinzine pour savoir si je pouvais faire des émissions philosophiques avec les enfants. Et ils avaient accepté, ça a été super, on a fait ça, on a fait un cycle d'émissions pendant 1 an et demi avec les petits. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes restée ici? La vie de groupe, le fait de se réinventer sans arrêt, de réfléchir à plusieurs, de prendre le temps de réfléchir. Alors, pour moi qui étais directrice, des fois c'est un peu compliqué de tout ce travail de groupe, et puis des fois aussi l'inertie de groupe, ainsi de suite. Mais en même temps, ça mène à tellement plus de possibilités d'être une multitude plutôt que tout seul face à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et il y avait une grosse partie aussi politique et engagée et militante. Il y avait quelque chose de très présent de cet ordre-là ici aussi que je trouvais hyper épanouissant, parce que par exemple, quand j'ai commencé à bosser avec des CDI, des 35 heures et puis des 50 heures au centre aéré, j'avais juste même plus le temps de penser à peut-être aller manifester ou lire un journal ou voir ce que faisait une association locale, alors que j'ai toujours été assez sensible à ces questions-là. Mais la vie de salarié nous attrape, en fait, on n'a juste plus le temps. Et quand on peut faire des trucs sympas de soutien le week-end, on a juste envie de dormir et d'ignorer le monde. Et ça me ressemblait plus du tout, enfin ça allait pas. Et arriver ici, faire des choses utiles pour le grand nombre, ça a été le côté hyper épanouissement pour moi d'être là. Aucun des coopérateurs n'est salarié. Nous avons un système où chaque personne qui vit ici et qui, disons, qui est là depuis un certain temps, parce que voilà, va recevoir de l'argent de poche, qui est modeste, très modeste. Combien? Ouais, c'est dans les 70 euros par mois. Après, on a un budget mensuel et il y a des demandes. On a les fameuses soirées, enfin le jour des petits papiers. Voilà. Donc les personnes ici vont marquer sur un petit papier s'ils ont besoin d'argent pour faire un voyage, aller voir des copains, aller voir la grand-mère, acheter des chaussures, des besoins plutôt individuels comme ça. Pour la grande majorité des gens qui vivent à Longomai, ils ont le CMU, la couverture médicale universelle. Nous avons fait le choix, ou je ne sais pas si c'est le choix, mais en tout cas, nous n'avons pas des RSA. Nous voulons pas cette relation avec l'État. Moi, je pense qu'il y avait 2-3 choix importants au début de Longomai. C'était niette totale au salariat. On n'aime pas le salariat, fondamentalement. Et puis, contre la propriété privée. Évidemment, chacun a quelques objets. Quelques livres, quelques... Bon, bien sûr. Mais les maisons, les voitures, les machines à laver, je sais pas quoi, c'est tout collectif. Mais je m'appelle Roman, j'ai 39 ans, je suis né ici. 78 du coup. Je suis parti vers 17 ans faire plein de voyages. J'ai arrêté le lycée en première. Après, j'ai fait des voyages en Hongrie, en Espagne. J'ai fait une formation de berger ensuite. Après, je suis revenu quelques années pour repartir. Enfin, toute la période jeune adulte, ça a été beaucoup de voyages. Et je suis revenu m'installer ici depuis 2 ans. Et comment c'était d'être petit enfant à Longomaille ? Il y avait des aspects très positifs, mais il y avait des aspects aussi plus difficiles, plus douloureux. On grandissait par tranche d'âge, c'est-à-dire qu'on n'était pas avec nos frères et sœurs et nos parents, on était avec les enfants du même âge que nous, avec des différents adultes qui s'occupaient de nous. C'était pas forcément nos parents. Donc on était des bandes d'enfants sur 300 hectares avec une liberté inouïe. Voilà. Après, pour le côté plus négatif, je dirais douloureux, difficile, c'est que c'était les années 70, période très idéologique, et de la famille, et du couple, et de la sexualité, et du rapport des enfants avec leurs parents. Donc il y avait une volonté de casser certains schémas établis. On n'avait pas accès, quand on voulait, à nos parents, forcément, parce qu'il y avait cette espèce de théorie qui disait que les enfants, s'ils sont trop avec leurs parents, quelque part, ils sont corrompus. Voilà, et la tendresse maternelle, c'était pas quelque chose de bien vu. Donc il y avait toujours une espèce de distance entre les mères et leurs enfants. De l'extérieur, effectivement, ça a pu choquer à un moment, puisqu'il y a eu une accusation de mode de fonctionnement sectaire. Après, moi, je pense qu'on ne peut pas du tout dire ça de Longomaille. Chacun était libre. Il n'y a jamais personne qui a été obligé de rester ici. Je veux dire, il y a des gens qui en sont partis, des gens qui sont venus. Et nous, les enfants, on a été à l'école. Voilà, Longomaille a participé à ouvrir l'école du village en mettant les enfants de Longomaille à l'école publique. Ce que moi, je pense avoir été hyper important. Pas forcément l'école publique, mais l'école à l'extérieur du lieu où on a grandi. Mais bon, après, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au monde extérieur, justement. Ce que j'appelle le monde extérieur, c'est le monde autour de Longomaille, quoi. De quelle manière c'était difficile ? Ben, quand on a grandi ici, on a grandi avec plein de langues différentes, plein de cultures différentes, avec une manière de faire la fête, une manière d'être en relation les uns aux autres, aussi une manière d'accompagner les décès. Il y a plein de choses qui sont spécifiques et qui relèvent pas d'une culture figée, mais qui sont le résultat de tous ces différents peuples qui se croisent ici et qui amènent chacun quelque chose qui fait qu'il y a une entité, j'ai envie de dire un peu inconsciente du coup même, hein, qui se met en place. Moi, je sais que je suis longomaïen, quoi. Je suis pas français, je suis pas autrichien, je suis pas provençal. Vos enfants ne sont pas élevés à Longomaille comme vous l'avez été. Ah non, ça c'est sûr. Ils le seront pas en plus, hein, ça par contre. Qu'est-ce qui a changé ? Ah ben déjà, moi je suis leur père, et il n'est pas question qu'il y ait qui que ce soit qui s'occupe d'eux sans que ça passe par moi, quoi. Et ma tendresse et l'amour que je leur porte, j'ai pas du tout l'impression que ça va les pervertir ou les en faire quoi que ce soit, au contraire. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est la ligne générale du parti, quoi. C'est ça se fait ou ça se fait pas par rapport aux relations humaines qu'on a. Et on établit ces liens-là dans la confiance, avec le temps. Et moi, je trouve que c'est bien et que c'est aussi normal de prendre le temps des relations et de ne pas imposer des relations par des choix idéologiques, quoi. Thank you. si on piquait un fer, ça peut déchirer les jeans. Ça va? Là, on ouvre un peu. On ne tourne pas la terre, mais on ouvre un peu pour faire des. On mettrait des choux, des épinards. Là, on a semé des navets. Il y a des salades. Voilà, on mettra des oignons, tout ce qui est les cultures d'hiver, des serres, quoi. Donc, on est dans les jardins de Longomaille à Liman. C'est ça. C'est en dessous de Grange-Neuve et il y a trois grandes serres recouvertes de bâches en plastique, dans lesquelles il fait à peu près 20 degrés de plus qu'à l'extérieur. Et vous, vous êtes... Moi, c'est Luna. Moi, c'est Alex. Et vous êtes là depuis combien de temps? Moi, ça fait presque 3 ans que j'habite ici. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis là, à peu près. Moi, j'étais infirmière comme profession. Et là, voilà, là je jardine, je fais le pain. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne le faisais pas avant. Et... Vous cultivez des semences, vous produisez vos propres semences et vous cultivez aussi des semences particulières? Bon, on produit une grosse partie de nos semences. Il y a des graines qu'on n'arrive pas à produire dans notre climat ici et que du coup on achète. Après, bon, on essaye aussi de les échanger avec des autres maraîchères, avec des autres coopératives Longo. Voilà. Moi j'ai 27 ans. Pourquoi vivre en groupe? Parce que c'est la seule chose qui fait des sens dans ma tête. Vivre isolé ou en couple ou en petite famille, ça marche pas pour moi. Et après, c'est parce que tu as un monde de possibilités qui s'ouvre devant toi au moment que tu es en groupe. Vous avez eu quand même une expérience. Oui, carrément. Vous étiez infirmière, donc avec un salaire, avec une sécurité de l'emploi aussi. Ouais, une hiérarchie. J'ai pas envie en fait de m'adapter à tout ça. C'était plein de choses qui m'empêchaient de dormir à un moment donné dans ma vie. Que j'arrivais à la maison et je me disais, mais qu'est-ce que je fous avec ma vie en faisant ça, quoi. Et du coup, rien qu'il y pensait de retourner. Est-ce que vous cuisinez souvent? Fernande, réponds. Est-ce que Albert cuisine souvent? Donc quand c'est Albert, c'est pâtes. Toute là, pendant 25 ans, j'ai fait des pâtes tous les lundis midi, des spaghettis. Parce que j'aime pas faire la cuisine, je sais pas faire la cuisine, donc la seule chose que je sais bien faire, c'est les spaghettis. Bon, en 25 ans, on apprend. Bon, ouais, mais moi, c'est pas mon truc, la cuisine. Mais comme on vit en communauté, normalement, tout le monde doit s'y coller. Donc moi, je fais les pâtes. Alors, si la cuisine, c'est pas votre truc, qu'est-ce que vous préférez faire? Passionné par les brebis. L'élevage, surtout les brebis, les troupeaux. Donc, nous, on a depuis les débuts de Longomaille, on a un troupeau de brebis. Et on a donc, il y a toute une équipe d'éleveurs, de bergers. De fil en aiguille, on a monté des équipes de tondeurs. Le tourne de la laine et après on a monté une filature dans le 05 où on transforme la laine, donc on maîtrise toute la chaîne de la brebis jusqu'au pull, jusqu'aux côtelettes, voilà. Vous êtes arrivé en 73? Ouais. Avec les fondateurs, puisque vous en faites partie. Ouais. Et vous avez quel âge? J'ai 64. C'est bien de grandir et vieillir à Longomaille? Bah moi, je suis toujours passionné par ce que je fais, par ce qu'on fait. Je suis toujours convaincu des idées de Longomaille. Donc, je suis bien ici, je suis heureux. Je suis tout à fait convaincu et motivé par ce qu'on fait. Il y a maintenant déjà la deuxième ou la troisième génération de gens, de jeunes qui sont là et qui ont la même niaque que nous. Peu différent, mais aussi motivé, donc ça te donne une certaine, comment dire, satisfaction. Bon, si les pâtes sont trop cuites, c'est la faute à France Culture. Elles sont trop cuites? Ouais, je vois ça. Tu peux le passer en direct, ça va. Attention. Thank you. L'accueil, c'est une immense question chez nous, et c'est pas toujours facile. Profondément, nous sommes pour qu'il y ait des gens qui viennent ici. Après, on peut déborder aussi. Donc c'est un peu un équilibre à trouver, quoi. Si quelqu'un téléphone, par exemple, qui dit qu'il était intéressé de venir à Longomaille, on va dire, mais ce serait mieux d'écrire une lettre. Et plutôt une lettre par la poste, parce qu'on a même pas un mail collectif à Longomaille. Et donc expliquer qui c'est, pourquoi, quelle motivation, combien de temps, etc. Mais je tiens à dire que l'accueil qu'on fait chez nous, c'est pas du tout avec l'idée qu'on cherche à recruter tous ces gens-là à long terme. C'est beaucoup plus l'idée que ces gens-là créent leur propre projet, ou alors c'est peut-être des gens qui sont engagés auprès des migrants, ou qui sont engagés dans tel ou tel autre, peut-être même en ville, pas du tout à la campagne, mais ou dans des squats, ou à savoir quoi. Et on va rester en contact, et ça renforce une sorte de réseau des gens qui, ben voilà, qui échangent, qui luttent ensemble, enfin, etc. Alors du coup, moi j'ai 28 ans. Alors moi j'étais étudiant en géographie humaine. Et puis en fait j'ai débarqué ici pour faire mon mémoire. Je devais rester 3 semaines et puis je suis resté 2 mois. Et puis je suis revenu 2 mois après. Et puis j'ai jamais ouvert mon ordi. Et voilà, et j'ai fini par envoyer un mail à ma prof en lui disant que finalement je partais sur autre chose, quoi. Et finalement, alors, cette vie en collectivité. Ça me plaît énormément de vivre avec des gens plus âgés, des bébés. J'ai jamais vécu avec des bébés ou des enfants. Moi, j'ai changé ma première couche ici, quoi. Donc en fait, ça me plaît bien. Et puis, bah voilà, ici, il y a quand même tout un ensemble de structures politiques et de production qui, en fait, en réalité, sont la même chose et qui, moi, me parlent énormément, quoi. Certains soirs, quand on est un peu malade, un peu fatigué, un peu énervé de quelque chose, un peu triste ou quoi, aller manger à 100 personnes dans un brouhaha permanent, du téléphone, des gamins, tout le monde qui veut se coordonner avec tout le monde pour la journée de lendemain, donc tu peux pas manger tranquille, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire ils sont où les graines de trucs, est-ce que t'as éteint l'eau, est-ce que tu peux m'emmener demain à la gare, est-ce que... Ça, c'est vrai, moi qui suis un peu solitaire des fois, mais bon, c'est quand même une difficulté qui est minime. Et autrement, les difficultés, bah, après, c'est se coordonner à 100, quoi. Donc, Ok, sinon, il y a encore samedi, une équipe à 9h pour le jardin, avec Luna et moi. Et ça va être dans un jardin bas, et c'est une préparation de terrain pour pouvoir s'aimer. On est dans la grande salle de Grangeneuve, qui est la salle où on prend les repas, où on se retrouve. Et là, on vient de terminer le repas. Vous êtes arrivé quand à Longomaille? Je suis arrivé en 92. Je viens d'origine d'Allemagne de l'Est. Vous aviez quel âge? À l'époque, 22 ans. Pas régulièrement, mais de temps en temps, je me pose des questions. Là, j'ai 48 ans. Je pense qu'au niveau carrière, c'est foutu. Entre nous, il y a un processus qui commence à redémarrer depuis un bon moment, c'est le vieillissement parmi nous. Et je pense aussi qu'on est confronté à une situation que des gens qui sont chez nous, qui n'ont pas vraiment l'alternative de partir. Parce que qu'est-ce qu'ils vont trouver à l'extérieur? Ils n'ont pas vraiment un métier, ils n'ont pas économisé. Je pense que ça peut des fois poser un problème dans le sens... Ouais, qu'est-ce qu'on fait entre nous? Même s'il y a des gens qui ont peut-être plus le nerf, plus d'énergie, plus la force de vivre une vie collective. Et ça, c'est un problème que je pense qu'on doit trouver une solution. Vous n'êtes pas salarié, donc vous ne cotisez pas à la retraite? Bien sûr, cette question-là, il y a 40 ans, on ne se posait pas du tout. Comment vivre avec plusieurs générations, hein? C'est devenu quand même un sujet de réflexion et de discussion de plus en plus. Nous avons créé un fonds de vieillesse qui est en fait, on a décidé de mettre 5%, quelque chose comme ça, de ce qu'on arrive à trouver comme soutien en Suisse, dans un espèce de fonds, qui peut être pour des situations difficiles, ou peut-être même que quelqu'un qui est âgé, qui est encore en forme, qui voudrait peut-être faire un voyage, et profiter, de pourquoi pas. Des choses comme ça. On ne sait pas. Mais c'est en tout cas, parce que c'est quand même relativement nouveau. Actuellement, on n'a pas de personnes ici qui sont, disons, incapacités de vraiment s'occuper d'eux ou d'elles-mêmes. Ben, ça va venir. Puisque la seule valeur qui vaille dans cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire. Les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flouze et les picaillons, le capital et le pognon. Je pense que si on a duré si longtemps, c'est aussi cette capacité de se remettre en question. Et pas toujours dire, nous on a raison parce que c'est nous qui avons commencé ça, et puis bon, vous fermez vos gueules parce que vous n'avez rien à dire. C'est pas comme ça. C'est vraiment... Je pense que même si on peut se plaindre, parce que des jeunes, ils se plaignent que nous, on ne les écoute pas, je pense qu'il y en a quand même de l'écoute, de deux côtés. Et moi, grosso modo, moi, je trouve que ça se passe quand même bien, quoi. Au début, quand tu arrives ici, tu te dis, ah, mais on est tous dans la même énergie, on veut tous y aller au même endroit. Et après, tu te rends compte que, ben non, quoi. Il y a toujours cet aller-retour entre les différentes priorités. Il y a des gens qui vont mettre plus la pointe sur le féminisme. Il y a des gens qui vont le mettre plus sur voilà, la défense de la forêt. Je ne sais rien. Du coup, si on parle des, par exemple, la production de notre pain, du coup, on a un four à bois. Et pour les fours à bois, il faut ramasser des fagots. Et il y a des gens qui vont te dire, bah, les fagots, si tu les ramasses, la forêt, elle va être appauvrie. Donc, tu dis, bon, alors, on fait quoi? On ne fait pas le pain. On achète les pains qui est produit dans des fours électriques, qui en même temps ils fonctionnent avec l'énergie nucléaire. Je sais pas, tu vois, il y a toujours des trucs comme ça que quand tu es toute seule à prendre la décision, tu te fais les compromis dans ta tête et tu t'en fous. Et quand on est 40 à discuter sur une question comme ça, parfois ça prend des heures et des heures et des heures. Et on est tous d'accord, sauf que chacun met son petit point qui le rend hyper complexe. Ouais. Et bon, et au final, on trouve les solutions, hein, toujours. Mais voilà, c'est souvent fatigant, quoi. Ce qui pourrait nous mettre en péril, c'est peut-être l'individualisation. C'est tous les domaines de la vie où le collectif n'arrive pas à subvenir aux besoins. Après, les gens, ils se débrouillent individuellement. Par exemple, la construction, les transports. Alors ça, on voit, il y a des tendances quand le collectif n'arrive pas à mettre à disposition à cette place. Alors les gens construisent leur maison à eux. Quand on n'arrive pas à faire un plan collectif des déplacements qui va où, alors les gens, ils ont des voitures individuelles. Ça, c'est des tendances qui sont acceptées comme un fait, mais c'est quand même un peu un symptôme. D'individualiser dès qu'il y a des difficultés au lieu, et ça, et c'est toujours un effort permanent de réfléchir comment on pourrait résoudre ça en commun. Fait ici la charpente avec les amis de Trénars, qui est cette ferme en Ardèche où ils ont beaucoup de forêts et des super magnifiques châtaigniers. Et ici, ça va être la bibliothèque et l'étage au-dessus, ça va être le logement. Voilà. Donc nous voilà dans le corps de ferme d'Hippolyte en cours de construction, fenêtres ouvertes sur le ciel bleu, des échafaudages partout. Punaisé à un échafaudage. On est accueilli par un petit panneau, ni Dieu ni maître. Ah, j'adore ce texte. Hein. Parce que c'est la communauté des tailleurs de pierre Durant une bonne décennie, je fis la connaissance de ce monde singulier, de cette corporation originale des tailleurs de pierre qu'une grande fraternité humanitariste unissait fortement, ainsi d'ailleurs qu'une certaine philosophie de la vie que je crois pouvoir caractériser ainsi, conscience professionnelle et esprit de classe, sens inné de l'entraide et de la camaraderie, élevé au niveau d'un culte de l'amitié, amour viscéral de la liberté jusqu'à l'indépendance, haine du bourgeois, anticléricalisme et antimilitarisme. Tout cela résumé dans une formule lapidaire souvent entendue, ni Dieu ni maître. C'est pas mal, non? C'est quand même un tout petit peu comme ça qu'on fonctionne. Hein. Je veux dire, on essaye d'éviter des hiérarchies quand même. On a aussi arrivé à nous libérer quelque part de contraintes trop présentes dans le monde économique, c'est-à-dire d'aller vite, de devoir bâcler, ou alors avoir beaucoup d'argent. Si vous regardez autour de vous, il y a par exemple un arc en pierre. Qu'est-ce qui va payer ça? Un monument historique? Des monastères? Ou alors des super riches, quoi? Ou alors chez nous? Parce que on prend le temps. Là où on aurait pu mettre un linteau en béton, je vais mettre un arc à trois pierres en arc, ou des choses comme ça, quoi. Donc, on s'est libéré de ces contraintes-là, parce que ça, c'est aussi un maître, hein, ou un dieu. Le marché et l'économie. Et d'aller vite et de ne plus avoir le temps. Une des raisons pourquoi on existe depuis 40 ans, c'est pour nous, Longomaï, c'était jamais un start final. C'est comme une communauté hippie, il y a des gens des communautés américaines qui sont venus ici. Leur but, c'était de vivre en communauté. Mais nous, c'est pas. Nous, on trouve que c'est normal de vivre en communauté. C'est un point de départ. En fait. C'est un point de départ. Mais en fait, en tout cas pour moi, c'est toujours la volonté de faire chuter un système destructeur qui bousille le monde, qui bousille les gens, qui n'est pas basé sur le potentiel de chaque personne, pas basé sur les rêves de chaque personne, sur les volontés de chaque personne, mais sur un système complètement faramineux de rentabilité économique, un système qui doit marcher, etc. Et évidemment, il faudrait un jour être à la hauteur de se débarrasser de ce corset de système et inventer autre chose. Et là, on est un tout petit noyau d'expérience, mais qui est plus qu'une expérience, mais qui est aussi une base de départ pour influencer quelque chose, pour appuyer des mouvements sociaux. On est déjà une sorte de soutien moral, ça... Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup plus de courage quand ils savent qu'il y a Longomaï derrière, pour le cas où ça ne marcherait pas, etc. Et là, on pense qu'on a aussi un rôle là-dedans à jouer. Ok. C'est pas encore fini, hein. La cuisine, rien à dire. Il manque pour 5 jours de personnes. C'était Longomaï, l'utopie dure longtemps. Dans la liste, alors. Merci à tous les habitants de la ferme Longomaï à Lima. Sinon, y a personne de coordination, Perrine Carvan, accompagnée de Marivonne à Bolivier. Et sinon, Alex, si vous voulez faire un petit exposé sur la Catalogne. Un documentaire de Marie Chartron et François Test. Anarchiste, randonneuse, rat des champs, bergère, marcheur et souris des villes, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en communauté, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous nous souviendrons de la naissance d'Israël.